إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله نحاول وإياكم في جلستين اليوم ويوم الخميس إن شاء الله ترجمة نصيحتي العلامة الشيخ عبيد، وذلك لأن نصيحته إلى الشيخ عبد العزيز الرئيس لأنه كتل الكلام في عن هذه النصيحة. Donc frère, الله عز وجل on douze assises aujourd'hui et jeudi inshallah. Nous allons essayer de traduire cette nasiha, ce conseil de son éminent Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, parce que ce conseil qu'il a prodigué à Cheikh Abdelaziz al-Rais il y a plus de 2 ans maintenant. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur ce conseil. Wa qabla ayyam ittasaltu bi Cheikh Abdallah al-Bukhari وكلمته في شأن النصيحة التي كتب سماحة الوالد العلامة الشيخ عبيد حفظه الله، وقال إنها تحذير واضح من الرجل، وأن الشيخ عبيد بين بالدليل القواعد الفاسدة التي عليها الرجل. Et il y a à peu près quelques jours maintenant, j'ai eu un entretien, j'ai appelé Cheikh Abdallah al-Bukhari au téléphone et je lui parlais, je lui posais des questions concernant le conseil, la nasiha du Cheikh Ubayd, la nasiha de son éminent Cheikh Ubayd qu'il a prodigué, qu'il a écrit pour Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, pour Cheikh Abdelaziz al-Rais. Et Cheikh Abdallah al-Bukhari m'a dit ça, c'est un avertissement clair. Et que Cheikh Ubayd a prouvé, et avec preuve, il a montré les règles fausses sur lesquelles il marche, hein, Cheikh Abdelaziz al-Rais. وكانني اتصلت اليوم بالشيخ العلامة عبيد فقال أن أبلغكم السلام، فلكم من الشيخ عبيد السلام، وأدن بترجمة نصيحتي للشيخ عبد العزيز الرئيس، وتجدون المكالمة مع الشيخ عبيد في موقع الدعوة، في موقع الدعوة ميسنجر. Et aujourd'hui j'ai eu un entretien téléphonique avec Cheikh, avec son éminent Cheikh Ubayd, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et il m'a demandé de vous transmettre son salam, et je lui ai demandé si je peux traduire la nasiha. Il m'a donné l'autorisation de la traduire, la nasiha qu'il a écrite à Cheikh Abdelaziz al-Rais. Et vous avez entendu, vous trouverez aussi, vous avez entendu la parole qu'a dit Cheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala pendant cet entretien téléphonique. Et cet entretien, vous pouvez le récupérer aussi sur Dawa Messenger. قال الشيخ عبيد أقول لك شيئا واحدا، ابن مسعود رضي الله عنه يقول خير الكلام ما ذل وكفى، خير مما كتل وألهى، لو قلت قول الرجل لضللت وما كنت من المهتدين. Et en bref, Cheikh Ubayd m'a dit concernant Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, je te dis une seule chose, je te dis ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dit, la meilleure des paroles étant la parole qui est courte et qui donne la signification. Hein? Ah, oui, désolé, j'ai dit quand en parlant de Cheikh Abdelaziz al-Rais, il a dit, je te dis une seule parole. La parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit, la meilleure des paroles étant la parole courte et qui, a des et qui donne la signification qui amène au but. Et il est mieux que des longs discours qui vont faire perdre la personne. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, si j'ai dit les mêmes paroles qu'a dit Cheikh Abdelaziz al-Rais, je me serais égaré et je n'aurais pas été parmi les guidés. Si j'avais dit les paroles qu'a dit l'homme, c'est-à-dire Abdelaziz al-Rais, j'aurais été égaré, je ne serais pas parmi les guidés. يقول الشيخ والرجل تعقب كلامي لكن بداية وجدنا فيه تناقضا وصار الرد عليه إن شاء الله تعالى. Il dit, et l'homme, c'est-à-dire Cheikh Abdelaziz al-Rais, a répondu à ce que j'ai écrit. Mais dès le départ, j'ai trouvé beaucoup de contradictions dedans. Et je vais lui répliquer, Inch'Allah ta'ala. Fa'ilaykum ma katabahu al-Sheikh Ubayd, hafidhahu Allah ta'ala, fi sanat 1429, fi talith wal 20 min rabi' al-tani. Et voici ce qu'a écrit Cheikh Ubayd, hafidhahu Allah ta'ala. Et il l'a envoyé à Cheikh Abdelaziz al-Rais. Et la lettre du conseil date du 23 Rabi' 2, 1429. Donc il y a deux ans maintenant. يقول الشيخ حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين أما بعد فقد سبق أن كتبت إلى أخينا عبد العزيز الرئيس رسالة مرفقا بها جملة من الملحوظات وقفنا عليها من خلال اطلاعنا على بعض أشرطته وكتبه وكانت تلك الرسالة في يوم السبت الثالث عشر من ربيع الثاني عام 29,400 من الهجرة وحتى هذه الساعة لم نرى من أخينا عبد العزيز الرئيس جوابا عن تلك الملحوظات فرأيت لزاما علي نشر رسالة موجهة إليه مع الملحوظات المرفقة بها والله أسأل أن يبصرنا وأخانا الشيخ عبد العزيز بالسنة ويثبتنا عليها ويجعلنا وإياه والقراء الكرام من خواص أهلها والدابين عنها وعن أهلها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا حرر في ليلة الأربعاء 18 من ذي الحجة عام 31,400 من الهجرة النبوية. Et dans la traduction, Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, a pris les louanges à Allah et la prière sur le prophète alayhi salatu wasalam et les salutations dues au noble compagnon radhiyallahu anhu. Il dit après, auparavant, j'avais écrit une lettre à mon frère et à notre frère Abdelaziz al-Rais. Et cette lettre contient un certain nombre de remarques sur lesquelles nous nous sommes arrêtés quand nous avons écouté certains de ces audios et que nous avons trouvé dans certains de ces écrits, c'est-à-dire dans ces livres. Et cette lettre date du 23 Rabi' 2 de l'an 1429. Et il dit jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de notre frère Abdelaziz al-Rais une réponse aux remarques que je lui ai faites. Et, cher de nous dire, et je vois qu'il est obligatoire pour moi de propager cette lettre qui était avec les remarques qui l'accompagnent, qui étaient adressées à cher Abdelaziz al-Rais. Et à Allah, nous demandons qu'il nous donne la clairvoyance ainsi qu'à notre frère Abdelaziz Abdelaziz, et qu'il nous donne la clairvoyance de la sunna, et qu'il nous raffirme sur la sunna, et qu'il fasse, nous et ceux, et les nobles lecteurs, qu'ils soient parmi les, que nous soyons parmi les particuliers de la sunna et ceux qui défendent la sunna et qui défendent les gens de la sunna et la prière et les salutations sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écrit par Ubayd ibn Abdillah ibn Sulaym al-Jabiri, l'enseignant à l'université islamique de Médine auparavant, et ça a été écrit le mercredi 18 de l'Hijja en l'an 1431. C'est-à-dire la lettre adressée à Cheikh Abdelaziz qui a été publiée sur Sahab a été faite le 18 1431, mais la lettre du conseil elle date du 23 Rabi' 2 1429. Donc Cheikh il a attendu 2 ans avant de publier les remarques et les erreurs qu'il reproche à Cheikh Abdelaziz Al-Rais. Fayaqulu Cheikh حفظه الله تعالى يقول العلامة سماحة الوالد العلامة الشيخ عبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فضيلة الأخ في الله الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس حفظه الله وسدده في أقواله وأعماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et là commence la lettre qui a été écrite par Cheikh en 1429. Après les louanges à Allah et la prière sur le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations dues aux nobles compagnons d'Allah alayhim, il dit après: noble frère en Allah, Cheikh Abdelaziz bin Rais al-Rais, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'il fasse, qu'il soit dans la droiture, dans ses paroles et dans ses actes. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd. Fatajiduna birufqati birufqihi jumlatan min al-malhoudat allati waqafna alayha inda attila'ina ala ba'di kutubikum wa ashritatikum. Wa kanat tilka al-malhoudat qad tadammanat qawa'ida wa usulan ala ghayri manhaji s-salafi s-salih مخالفة لما عهدناه ورتاه عن أئمة العلم والدين ولما عرفناه عنكم من كريم الخلق والجهود الطيبة في نشر السنة أحببنا إيقافكم عليها لما لكم علينا من حق النصيحة علما بأننا قد تركنا الكثير غيرها مما هو مثلها فالله نسأل أن يجعلنا وإياك هداة مهتدين صالحين مصلحين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه أخوكم ومحبكم في الله عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حرر في يوم السبت 13 ربيع الثاني عام 29 و400 من الهجرة. Et il dit, Havidallahu ta'ala, et après, vous allez trouver, en compagnie de la lettre, un ensemble de remarques sur lesquelles je me suis arrêté quand j'ai vu certains de vos livres et certains de vos audios. C'est-à-dire quand Cheikh, il a lu certains des livres de Cheikh Abdelaziz Al-Rais et certains, il a écouté certains de ses audios. Et il dit, ces remarques que je fais contiennent des règles et des fondements qui ne sont pas des règles et des fondements de la voie de nos puissants, Wallah alayhim, et qui sont en divergence avec ce que nous avons hérité des imams de la science et de la religion. Et pour ce que nous connaissons de vous, la noblesse du comportement, les bons efforts que vous faites pour propager la sunna, nous avons aimé attirer votre attention sur ces erreurs parce que il est obligatoire pour nous de vous faire le conseil. Il dit, sachant que nous avons laissé beaucoup de remarques qui sont similaires à celles sur lesquelles nous attirons votre attention. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandons qu'il fasse de nous et de vous des guides, guidés, des vertueux réformateurs, et que la prière soit sur notre prophète, sa famille et ses nobles compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écrit par votre frère et celui qui vous aime en Allah, Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, écrit le 13 Rabi' de l'an 1429. يقول الشيخ حفظه الله الملحوظة الأولى إقرارك أن جماعة التبليغ في السعودية على حق وذلك بنقل كلام الدكتور السدحان في مقدمته على كتابك الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ الطبعة الأولى عام 1422 للهجرة الموافق لسنة 2001 للميلاد مطابع الحميضي حيث جاء فيها صفحة 13 و 14 قوله وختاما فمما ينبغي التنبيه عليه أن من المنتسبين إلى تلك الجماعة ثلة من الأفاضل الأخيار من أهل المعتقد السليم احتسبوا أوقاتهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله تعالى فسعوا جاهدين في مناصحة بعض المتلبسين بالمعاصي وحببوا إليهم فعل الخيرات وترك المنكرات فتأثر بهم عدد غير قليل من الناس فجزاهم الله تعالى خيرا على جهودهم وزادهم من فضله ولأولئك وأمثالهم يقال سيروا على بركة الله على بركة الله تعالى في دعوة الناس إلى الخير واحتسبوا أجركم وأبشروا وأملوا بالخير من ربكم. دي لا بروميير رمارك دي الشيخ عبيد حفظه الله تعالى. Le fait que tu approuves que le groupe d'Yel Tablir qui se trouve en Arabie Saoudite est sur la vérité. Et ceci par le fait que tu rapportes les paroles du docteur Sedhan dans l'introduction de ton livre, l'imam Ibn Taymiyyah et Jama'at Tablir, la première édition, en l'an 1422 de l'Hégire, qui correspond à l'an 2001, et qui est imprimé par Al-Humaydi. Et dans la page 13 et 14 de ce livre, la parole, c'est-à-dire la parole de Sedhan, du docteur Sedhan, qui dit, et en conclusion, il faut attirer l'attention sur le fait que certains adeptes de ce groupe, c'est-à-dire du Jama'at Tablir, il y a des nobles parmi eux et des bons parmi eux qui ont des bonnes croyances et des croyances saines qui donnent leur temps et leur fortune pour avoir la récompense minallah et qui accourent faisant des efforts à conseiller certains qui sont dans la désobéissance et ils leur font aimer le fait d'accomplir le bien et de délaisser le mal et beaucoup de gens ont été influencés par eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour leurs efforts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente de son bien. Et à ceux-là, il y a ceux qui sont comme eux. Il leur est dit, allez-y dans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait d'appeler les gens vers le bien et attendez la récompense minallah. Et attendez la bonne nouvelle et ayez le bon espoir en le bien de votre souverain. Ça, c'est la première remarque. والآن كلام الشيخ عبيد على هذه الملحوظة والمطلوب أولا حذف هذا الكلام من الطبعات الأخرى. La première remarque qu'il fait الشيخ عبيد حفظه الله تعالى الشيخ عبد العزيز الرئيس. Il lui demande, est-ce qu'il est demandé en premier, c'est d'enlever ses paroles dans les prochaines éditions. وَتَانِيًا أَنَّصُ مِنْكَ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا الْقَوْلِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَتْبَاعِ الْجَمَاعَةِ فِي الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ. Il dit deuxièmement, nous voulons une parole de ta part qui prouve l'annulation et le faux de cette parole, comme quoi il n'y a pas de différence entre les disciples du Jama'at Tablir à l'intérieur de l'Arabie et à l'extérieur de l'Arabie. Et Cheikh Obeid continue de dire, أن الحرب الدروس بيننا وبين أبناء جلدتنا منهم. Et cher de lui dire, et tu n'es pas sans savoir la guerre qu'il y a entre nous et les jeunes et les enfants de notre pays. Vers les jeunes du Jamaat Tabligh. Et la guerre qu'ils font aux gens de la Sunna. Et les critiques qu'ils imitent vis-à-vis des gens de la Sunna. يقول الشيخ وما قلته في مقدمتك من الكتاب نفسه صفحة 29 شبه حول التبليغيين في جزيرة العرب وجوابها. Est-ce que t'as dit dans ton introduction pour le même livre à la page 29, c'est-à-dire l'imam Ibn Taymiyyah et Jama'at Tabligh, à la page 29, une ambiguïté autour des tabliris dans la péninsule arabe et une réponse à cette ambiguïté. يتناقل طائفة كثيرة من الناس شبهة ألا وهي أن ما سبق ذكره إنما هو في حق التبليغيين الموجودين في الهند والباكستان. Et beaucoup de gens propagent cette shubha. Ça, ce sont les paroles, les cris de Abdelaziz Al-Rais. Propagent cette shubha, qui est que ce qui a été dit sur Jama'at Tabligh, il ne concerne que les tablighis qui sont en Inde et au Pakistan. أما التبليغيون الموجودون في جزيرة العرب والدول العربية أصحاب العقيدة السلفية فلا ينطبق عليهم هذا التحذير وهم على خير إلى خير ذلك. Et toujours les paroles à Cheikh Abdelaziz Al-Rais, quant aux tablighis qui se trouvent en péninsule arabique, ils ont les pays arabes qui ont des dogmes, un dogme salafi, ça ne les concerne pas, ce genre d'avertissement. Ils sont dans le bien, jusqu'à la fin, ce que tu as dit. يقول الشيخ عبيد وهذه الشبهة تضمنت حقا وباطلا. Et Cheikh Ubaid de dire cette ambiguïté contient le vrai et le faux. أما كون هؤلاء ليسوا كأولئك إذ هم على عقيدة سلفية صحيحة فهذا حق في من كان كذلك. Quant à ceux-là, c'est-à-dire les tablighis de la péninsule arabique et les tablighis du monde arabe, s'ils sont sur une aqida salafia authentique, ça c'est une vérité pour ceux qui ont une aqida salafia authentique. لكن ليس معنى هذا أنهم في الدعوة على طريقة صحيحة يقرون عليها. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont sûrs dans la da'wa sur une voie authentique qu'il faut approuver. وأيضا من استمر منهم مع هؤلاء التبليغيين فسيوافقهم على عدم إنكار الشرك. Et celui qui va continuer avec ses tablighis, donc il va être d'accord avec eux sur le fait de ne pas blâmer l'associationnisme. لأن من أصولهم عدم إنكار المنكر أيا كان. Il dit parce qu'il fait part des fondements des tablighis le fait de ne pas blâmer le mal, n'importe qu'il soit ce mal. وأيضا سيوالي التبليغيين الهنود والباكستانيين المبتدعة والواقعين في الشرك لأنهم من جماعته. Et aussi, il va s'allier, il va être d'accord avec les tablighis d'Inde et de Pakistan, les innovateurs qui sont dans l'associationnisme, car ils font partie de son groupe. فهذا القول لا يفي بالغرض بل فيه تصويب لبعض التبليغيين من أهل بلادنا في قولك آنف الذكر. Il dit donc cette parole que tu avances, hein, ne remplit pas le devoir qu'il doit remplir, mais il y a dans ta parole quelque chose qui réconforte les tablighis de notre pays. أما كون هؤلاء ليسوا كأولئك إذ هم على عقيدة سلفية صحيحة فهذا حق في من كان كذلك. Mais quand tu dis que ceux-là ne sont pas comme les autres, c'est-à-dire comme les tablighis d'Inde et de Pakistan, hein, parce qu'ils ont une aqida salafi authentique, ceci est vrai pour ceux qui sont ainsi. ثم قولك في بدء الجواب عن الشبهة أنها تضمنت حقا وباطلا. Et aussi quand tu dis au moment de la réponse sur la shubha et la réplique à la shubha qu'il contient du vrai et du faux, فإن كانت تضمنت حقا فلا تعد شبهة. S'il contient une vérité, il n'est pas considéré comme une ambiguïté. ثم الحق الذي قررته غير حق حيث قررت بعده بأن من استمر معهم فسيوافقهم على عدم إنكار الشرك. Il dit, et puis la vérité que tu as approuvée, ce n'est pas une vérité, car tu as confirmé par la suite, que celui qui continue avec eux, il va être d'accord avec eux sur le fait de ne pas blâmer l'associationnisme. لأن من أصولهم عدم إنكار المنكر أيا كان. Parce qu'il fait partie de leur fondement le fait de ne pas blâmer le mal n'importe qu'il soit ce mal. وأيضا سيوالي التبليغيين الهنود والباكستان المبتدعة الواقعين في الشرك لأنهم من جماعته. Et aussi tu confirmes con quoi? Il va s'allier avec les tabliris de l'Inde et du Pakistan innovateurs qui sont dans l'associationnisme car ils font partie de son groupe. فهل من كان أمره كذلك من موافقتهم على عدم إنكار الشرك واتباعهم على أصلهم الفاسد من عدم إنكار المنكرات أيا كانت وموالاة أهل البدع القبوريين تكون عقيدته سلفية صحيحة فما هذا الحق وإن الباطل إذن فتأمل. إلدي حفظه الله تعالى شيخ عبيد. Est-ce que celui qui est dans cette situation, dans le fait qu'il est d'accord avec eux, dans le fait de ne pas blâmer l'associationnisme, et qu'il les suit dans leur fondement, dans leur faux fondement, dans le fait de ne pas blâmer le mal, n'importe qu'il soit son mal, et le fait de s'allier aux gens des innovations et aux adorateurs des tombes, est-ce que celui-là, il va avoir une aqida salafi authentique? Donc c'est quoi cette vérité? Et où est le faux donc? Médite. الملحوظة الثانية قولك في كتابك الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ من الطبعة المشار إليها سابقا صفحة 17 من مقدمتك وإن مما جمعت بين الحق والباطل والخير والشر جماعة التبليغ المعروفة. إيه بارك الله فيك. إيه la deuxième remarque, c'est quand tu dis dans ton livre, l'imam Ibn Taymiyyah et le groupe d'Yel Tablir, dans l'édition que nous avons citée à la page 17 dans ton introduction, tu dis, parmi les groupes qui ont réuni la vérité et le faux, le bien et le mal, Jama'at Tablir connu, qui est connu. يقول الشيخ حفظه الله أي الشيخ عبيد الملحوظ ما عهدنا مثل هذا عند السلف رحمهم الله عند كلامهم على أهل البدع بل المعروف منهم التحذير وشدة النكير وإغلاظ القول لهم والتشنيع عليهم وقد جاءت السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من أهل الأهواء من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم خرجه مسلم في المقدمة والبغوي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأجمع السلف على ما أفاده هذا الحديث وما جاء في معناه. La remarque du Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, nous ne connaissons pas des ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala, de nos plus ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de ce sainte miséricorde, quand il parle des gens de l'innovation, nous ne connaissons pas ce que tu as dit des plus ailleurs quand il parle des gens de l'innovation. Ce qui est connu des plus ailleurs, c'est qu'ils avertissent et qu'ils sont sévères dans l'avertissement. Hein? Et la sunna, il y a beaucoup de preuves dans la sunna de notre prophète alayhi salam dans l'avertissement. Hein? Des gens contre les gens de des gens de des passions. Et fait partie de cela la parole du prophète alayhi salam qui dit vers la fin des temps il y aura des gens qui vont vous parler des choses que vous n'avez pas entendues ni vous ni vos parents. Attention à eux, attention à eux. Il est rapporté par Muslim dans l'introduction de son authentique et par Al-Baghawi et par d'autres et le hadith d'Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. et salaf sont à l'unanimité sur la signification de ce hadith et sur la signification des autres hadiths qui vont dans ce sens-là. يقول الشيخ عبيد فأي خير في هذه الجماعة بعد تفسيرهم للا إله إلا الله بتوحيد الربوبية وأي خير فيها وهي لا تعير العلم الشرعي اهتماما ولكنك حين قلت ما قلت قد وقعت في قاعدة الموازنة التي يستخدمها المتحزبة سلاحا في وجه أهل السنة وتلطيفا للبدع وأهلها. الشيخ عبيد دودير: quel bien il y a dans cette jama'a, c'est-à-dire dans jama'a tabligh, qui donne comme interprétation à la ilaha illallah, il l'explique par le monothéisme de la seigneurie. Et quel bien il y a dans cette jama'a qui ne donne pas l'importance à la science de la législation et qui ne se préoccupe pas de la science de la législation. Mais quand tu as dit ce que tu as dit, tu es tombé dans la règle de l'mouazanat que utilisent les hizbi comme une arme. Hein, en face des gens de la sunna, et pour être doux avec l'innovation et les gens de l'innovation. Le muazanat, c'est le fait de citer le bien de la personne et en même temps son mal. Et ceci, c'est une règle qui est réfutée par le puiseur d'Allah Alim et par les hommes de science contemporains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de nos contemporains, des hommes de science contemporains dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la défense de la voie de le puiseur d'Allah Alim. ويقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى الملحوظة الثالثة جاء في مقدمة كتابك الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ الطبعة المشار إليها أولا صفحة 18 قولك قبل البيان والتدليل أشير إلى أمر مهم غاية الأهمية ألا وهو أن الكلام على جماعة معينة يعود إلى الكلام على منهجها لا إلى أفرادها لذا لا يصح لأحد أن يعيب دين الإسلام لأن من المنتسبين إليه أناسا مفرطين غير قائمين به ونحو ذلك ويثني على دين النصارى لأن من المنتسبين إليه في زعمه أناسا جادين قائمين به هذا أبدا لا يصح بل النقد والتقويم يكون للمناهج لا للأفراد إذ الأفراد يتغيرون من زمن لآخر ثم قد يكون حسنهم أو قبحهم راجعا لأمر خارجي لا علاقة له بالمناهج إذا أرجو التنبه لهذا الأمر المهم واستحضاره عند النقد والكلام على المناهج الدعوية وغيرها. La deuxième remarque du Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, il est rapporté dans l'introduction de ton livre, l'imam Ibn Taymiyyah et le groupe d'Al Tabligh, la même édition, à la page 18, ta parole qui dit « Avant l'éclaircissement et avant de ramener les preuves, j'attire l'attention sur un point essentiel d'une grande importance. » qui est le fait que quand on parle d'un groupe, la parole revient à la voix du groupe et non pas aux individus. C'est pour ça que ce n'est pas correct. Et il n'appartient pas à quelqu'un et ce n'est pas correct de sa part qu'il dénigre la religion de l'islam parce que certains musulmans ne accomplissent pas l'islam comme il se doit ou autre et qu'ils fassent des éloges de la religion chrétienne car comme ils le prétendent parce que les adeptes de cette religion sont des bons gens et qui accomplissent les choses comme il se doit, ça jamais de la vie, ce n'est pas permis et ce n'est pas bon. Et il dit, et toujours les paroles à Rès, quant à la critique, il doit se faire pour les voix et non pas pour les individus. Car les individus changent d'une époque et d'un temps à un autre. Et peut-être que le bien de l'individu ou le mal de l'individu revient à une situation ou à quelque chose qui est extérieur, qui n'a rien à voir avec les voix. Avec le manège. C'est pour ça que je vous demande de faire très attention à ce point très important et de l'avoir présent à l'esprit quand vous critiquez ou vous parlez sur les voies de la da'wa ou autres. Ça, ce sont les paroles de Reis. Maintenant, les remarques du Cheikh Ubaid. والآن إلى ملحوظ الشيخ عبيد على الملحوظة الثالثة والملحوظ على كلامك هذا التفريق بين الجماعة المخالفة وأفرادها في الرد ونقد المنهج وهذا ليس بصحيح لا رمارك ديال الشيخ عبيد sur cette troisième remarque qu'il fait du livre du Cheikh Abdelaziz Reis, il dit, quant à la remarque sur ta parole, celle-ci, c'est que tu fais la différence entre le groupe qui est en divergence et ces individus dans la réplique et dans la critique. Et tu fais la différence entre les individus et la voix. Il dit ceci, ce n'est pas vrai. يقول الشيخ عبيد فإن العلماء منذ ظهر أهل الأهواء والبدع على خلاف ونقيض ما قلت. Car les hommes de science, depuis qu'ont apparu les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, ils sont sur une voie qui est différente et contraire à ce que tu viens de dire. يقول الشيخ عبيد حفظه الله فإنهم يتكلمون في الجماعات والفرق ويبينون فساد منهجها في العقيدة والعمل ويحذرون منها أشد التحذير il dit car il parle sur les groupes et sur et il montre le mal de la voix de ces groupes et le mal de la aqida et le mal des œuvres de ces groupes et ils avertissent contre ces groupes d'un grand avertissement et d'un sévère avertissement كما أنهم يشنعون على المخالفين من الأفراد من أجل فساد عقيدته أو منهجه. Comme ils critiquent sévèrement ceux qui sont en divergence parmi les individus à cause de leur mauvaise aqida et à cause de leur mauvaise voix. يقول ومن كان ذا خبرة بكتب الجرح والتعديل يدرك ذلك تمام الإدراك. Il dit, celui qui a une expérience des livres, de la réfutation et de l'éloge, il comprend ça d'une grande compréhension et il le capte complètement. يقول الشيخ عبيد ومن أمثلة ذلك في الأفراد وصفهم عمرو بن عبيد بأنه معتزلي قدري ووصفهم لعمران بن حطان بأنه خارجي Il dit, parmi les exemples concernant les individus, c'est comme Salaf ils décrivent Amr ibn Ubaid comme quoi il est Mu'tazili, il est Qadari. Et quand ils décrivent Imran ibn Hattan comme quoi il est Khariji. ويقول الشيخ عبيد وأقوال أئمة السلف في أمثال هؤلاء لا تحصى. فكيف تخالف الأئمة وتفرق بين الجماعة وأفرادها؟ Il dit حفظه الله تعالى الشيخ عبيد il dit les paroles des imams ديال السلف à ce niveau-là on ne peut même pas les comptabiliser. Comment tu tombes en divergence avec les imams et tu fais la différence entre les groupes et les individus وتقعد يا أبا عمر هذه القاعدة الفاسدة المبنية على غير دليل بل هي خلاف الدليل وهو إجماع أئمة السلف على جرح من يستحق الجرح سواء كان فردا أو جماعة فمن أين لك هذا التفريق Il lui dit, et tu ramènes cette règle, ô Abu Omar, Ya Abu Omar, pourquoi tu ramènes cette règle? Cette mauvaise règle qui n'est pas basée sur la preuve, cette règle qui est le contraire de la preuve et qui est le contraire du consensus des imams, du salaf, sur le fait de refuter celui qui mérite la réfutation, que ce soit un individu ou que ce soit un groupe. D'où tu tiens cette différence? C'est-à-dire d'où tu tiens le fait de faire la différence entre les groupes et les individus. يقول الشيخ عبيد أما علمت أن الدعوات والمناهج والفرق لا تقوم وحدها. Il lui dit, الشيخ عبيد lui dit à الشيخ عبد العزيز الرئيس, ne sait-il pas que les voies de la da'wa et les voies et les groupes ne s'accomplissent pas tout seuls. بل يقوم بها أفراد ينافحون عنها ويوالون ويعادون فيها وينظرون لها كيف لا يأخذون حكمها Il dit, mais ces groupes et ces voix ce sont des individus qui les accomplissent et qui défendent ces voies et qui défendent ces groupes et qui s'allient pour ces voies et qui s'allient pour ces groupes et pour hein, et ils font des règles et des fondements. Comment ils ne pourront pas prendre le jugement de leur voie et de leur groupe? يقول ومع الأسف أنك قد قررت وكررت هذه القاعدة الفاسدة في شريطك حقيقة الجامية حيث قلت فيه ما نصه. Et cher de le dire, hein, mais malheureusement et avec grand regret, tu as confirmé et tu as répété cette mauvaise règle dans ta cassette, la réalité de la Jamia, au moment où tu as dit حيث قلت فيه ما نصه الشبهة الثانية أنهم يردون على الدعاة والمصلحين فأجبت بقولك العبرة بالمنهج لا بالأفراد كما سيأتي وكررتها في الشريط نفسه لما استعرضت شبهة تطار في الكلام عن الضال أسامة بن لادن وأن العلماء تكلموا فيه قلت الكلام في ابن بن لادن لا لذات أسامة بن لادن وإنما لفعاله وما جر على المسلمين فمن الظاهر البين أن العلماء الذين حذروا ولا يزالون يحذرون من بن لادن إنما ما كلامهم عليه لفساد منهجه وبطلانه ولم يتعرضوا لذاته الخلقية الخلقية فانظر تقعيدك للخطأ أين أوصلك. Il dit, حفظه الله تعالى, Cheikh Ubayd, de dire, et tu as répété cette mauvaise règle dans, dans ta cassette, la réalité de la Jamia, au moment où tu as dit ce que tu as dit. La deuxième ambiguïté, il réplique aux du'at et aux réformateurs. Et tu as répondu avec ta parole, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la voix et non pas les individus, comme hein, ça va venir. Et tu l'as répété dans, le même, dans la même cassette, quand tu as exposé l'ambiguïté qui se propage, qui se dit sur... Quand tu as exposé l'ambiguïté qui se dit autour des paroles qui ont été dites sur l'égaré Oussama Bin Laden et que les hommes de science ont parlé sur lui, tu as dit la parole sur Bin Laden, ce n'est pas pour Bin Laden, ni pour la personnalité de Bin Laden. Ouais, mais c'est tout simplement la parole hein, concerne ses actes et le mal qu'il a entraîné pour la communauté musulmane. Et cher de lui dire, il est clair que les hommes qui ont averti et qui ne cessent d'avertir contre Bin Laden, leurs paroles sur Bin Laden, c'est sur le fait que sa voix est mauvaise et il est fausse. Ils ne se sont pas attaqués hein, au corps de Bin Laden. Regarde ta règle, où est-ce qu'il t'a amené? Regarde cette règle que tu as instaurée. Vers quelle erreur il t'a amené? الملحوظة الرابعة ذكرت في كتابك الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ الطبعة المشار إليها سابقا أفرادا من جماعة التبليغ وما عليه بعض التبليغيين من انحراف عقدي ونحوه ينظر صفحة 21 22 24 27 33 إيه. La quatrième critique et la quatrième remarque de Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, il dit ce que tu as cité dans ton livre, l'imam Ibn Taymiyyah et le groupe de Tabligh, la même édition, c'est-à-dire la première édition de l'an 2001. Individus et groupe Tabligh et la voie sur laquelle sortent sont certains Tablighi dont la déviance au niveau des croyances et autres. Regarde la page 21, 22, 24, 25, 23 de la même édition. يقول الشيخ عبيد هذا وعند التأمل فيما قررته في الصفحات المشار إليها مع ما سبق من تقريرك للقاعدة السالفة المبنية في الملحوظة الثالثة يظهر منه أمران. الأول أنك تناقضت حيث قررت قاعدة وخالفتها في التطبيق وذلك بذكرك أفرادا من هذه الجماعة ناقدا لهم. الثاني أنك استصحبت هذه القاعدة وذلك أنك عندما تذكر الفرض فإنما تعني به منهجه لا غير، فتحدر من منهج إلى منه، فتغاير بين المنهج والفرض، وكلا الأمرين غير معهود عند السلف، وقد بينا لك منهجهم آنفا. الشيخ عبيد الدير يوح quand on médite dans ce que tu as confirmé dans ces pages, dire dans la page 21, 22, 24, 27, 33 de la première édition sur l'imam Ibn Taymiyyah et Jama'at Tabligh, nous trouvons que tu confirmes ta mauvaise règle que nous avons citée dans la troisième remarque. Tu la reconfirmes dans ces pages. Et ceci apparaît dans deux points. Le premier point, tu es en contradiction. Quand tu confirmes cette règle et tu es en divergence avec sa mise en application. Parce que tu cites certains individus parmi ces groupes et tu les critiques. Pour eux-mêmes. Deuxièmement, cette règle, il t'accompagne. Quand tu cites les individus, tu veux dire par là tout simplement leur voix, et non pas eux-mêmes. Et tu avertis contre eux leur voix, et tu n'avertis pas contre les individus. Et tu fais la différence entre la voix et l'individu. Et les deux points ne sont pas connus de nos puiseurs d'Allah Alim, et nous t'avons montré la voix de nos puiseurs auparavant. Al-Malhoudatul Khamisa. نقلت فتوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، وكان نص منقولك هكذا كما في الطبعة المشار إليها سابقا غير مرة، وهي الأولى عام 1422 للهجرة الموافق لسنة 2001 للميلاد مطابع الحميضي صفحة 38 39، وقال في إجابة سؤال آخر لا يصح التعصب والتحزب لجماعة التبليغ ولا لإخوان المسلمين، وقال أما الانتساب إليهم لا، ولكن زيارتهم للصلح بينهم والدعوة إلى الخير وتوجيههم للخير ونصيحتهم لا بأس. انتهى. Et la cinquième remarque, quand tu as transcrit la fatwa de son éminence, l'imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, concernant Jama'at Tabligh, et les frères musulmans, ce que tu as transcrit est ainsi, comme il est dans cette première édition de ton livre, Imam Ibn Taymiyyah et Jama'at Tabligh, édité en 1422, qui correspond à l'année 2001 de l'Hégire, dans les éditions Al-Hmidri. À la page 38-39, et il a dit, en réponse à la question, c'est-à-dire la parole de Ibn Baz, il a dit à la réponse à une autre question, il n'est pas permis de se sectariser et de se constituer, de se sectariser pour Jama'at Tabligh, ni pour les frères musulmans. Et quant au fait de leur appartenir, non, il ne faut pas leur appartenir, mais les visiter pour les orienter, pour les réformer, pour les appeler au bien, et pour les orienter vers le bien, et pour les conseiller, il n'y a aucun mal. Et ici s'arrête ce qu'a transcrit Cheikh Abdelaziz Rez dans son livre. وَنَأْتِي إِلَى مَلْحُوظِ الشَّيْخِ عَلَى هَذِي. والملحوظ هو أنك بطرت نص الفتوى والتي جاء فيها تتمة مهمة، وهي أنه قد حكم على جماعة التبليغ والإخوان المسلمين بأنهم خارجين من الفرقة الناجية إلى الفرق المبتدعة 72، وكنت قد ذكرتها كاملة بهذا التمام في طبعتك للكتاب الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ الطبعة الأولى عن دار ابن الأثير عام 1422 للهجرة. صفحة 39 منها. وأحلت في حاشيتها بقولك راجع شريطا بعنوان أقوال العلماء في سيد قطب تسجيلات منهاج سنة النبوية الصوتية، فلماذا هذا التصرف بنقل الفتوى كاملة في طبعة من كتابك وبطرها في طبعة أخرى وكلتاهما يحمل الطبعة الأولى؟ ما الهدف من ذلك؟ ألا يخشى من ذلك اتهامك بالتشويش والتلاعب بالألفاظ والفتاوى؟ إلى غمارك دو الشيخ، إلى كريتيك دو الشيخ حفظه الله تعالى sur cette cinquième remarque. Elle dit: tu as amputé le texte de la fatwa du Cheikh Ibn Baz, parce que dans la fatwa de Cheikh Ibn Baz, à la fin, il y a un point essentiel. C'est parce que Cheikh Ibn Baz, dans cette fatwa, il a jugé, il a émis la sentence, comme quoi Jama'at Tabligh, les frères musulmans, ne font pas partie du groupe sauvé, et qu'ils font partie du groupe de l'innovation, et qu'ils font partie des 72 groupes de l'innovation. Alors qu'auparavant, tu avais cité la fatwa d'Ibn Baz complète dans une édition de ton livre, l'imam Ibn Taymiyyah et Jama'at Tabligh, première édition, à la maison d'édition d'Ar Ibn al-Athir, au long 1422 de l'Hégire, à la page 39 de cette édition-là, qui n'est pas la même que la première dans laquelle il a amputé les paroles d'Ibn Baz. Et en bas de la page, tu envoies le lecteur au fait d'aller réécouter les paroles des hommes de science sur Sayyid Qutb, et que cet audio fait partie des enregistrements de la maison d'enregistrement Minhaj Sunna Nabawiya. Pourquoi tu agis ainsi? Tu prends la fatwa, tu la ramènes complètement dans une édition de ton livre, et tu l'empêtes dans une autre édition, alors que les deux éditions, ils portent première édition. C'est quoi le but? Tu n'as pas peur qu'on t'accuse comme quoi tu es un perturbateur, et comme quoi tu joues avec les expressions, et comme quoi tu joues avec les verdicts? يقول الشيخ عبيد حفظه الله ومتع به: الملاحظة السادسة، نقلت في كتابك الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ الطبعة المشار إليها أولا، صفحة 49 إلى 50، سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه أنه سئل عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك إلى آخره. La sixième remarque: tu transcris dans ton livre l'imam Ibn Taymiyyah et le groupe d'Al Tabligh l'édition citée à la page 49-50, la question qui est arrivée à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et dans cette question on lui a posé la question sur un groupe qui se réunit pour faire des péchés capitaux comme le fait de tuer, de voler, de boire du vin et autres, et qu'un des chouyours parmi les machaïr connu du bien et de suivre la sunna, il a été pour interdire à ces gens-là ceci jusqu'à la fin de la parole de cette fatwa. والملحوظ يقول الشيخ عبيد هو أن جماعة تبليغ ليسوا على السنة كما نصصت عليه من قبل فيما نقلناه لك في الملحوظة الثانية، فما المناسبة؟ فإن الفتوى لا تنطبق عليهم. إلى كريتيك que nous te faisons, c'est que جماعة تبليغ n'est pas sur la sunna. Comme tu l'as cité, tu l'as dit toi-même auparavant, dans ce que nous t'avons rapporté de ce que tu as écrit dans la deuxième remarque. C'est quoi l'occasion pour que utiliser cette fatwa du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, alors que la fatwa ne correspond pas à Jama'at Tabligh? Et nous allons arrêter, Inch'Allah, ici, et nous reprendrons jeudi, Inch'Allah, à la même heure, au même salon. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً